Rue rouge. Ouais. Reste en alerte. Zone rouge. Ouais. Reste en alerte. Je descends tôt, capuche basse, regard dur. L'air sans l'attention, la rue parle en murmure. Au coin du bloc, ça check chaque pas. Les scooters font des cerfs, personne sait pourquoi. J'ai les nerfs serrés, la nuit colle aux vitres. Des ombres sur les murs, des regards qui filtrent. Pas besoin de voir le sang pour sentir le danger. Ici même le silence peut te faire plier. Zone rouge, zone rouge. On marche en mode rouge. Zone rouge, zone rouge. Trop Dieu sur nous. Jamais baisser la garde. Zone rouge, zone rouge. Ici tout peut partir. J'compte les allers-retours, les fenêtres allumées. Chaque porte qui grince me remet à l'arrêt. Des noms dans la tête, des dettes dans les poches. Des promesses trop sales, ta mémoire croche. J'entends les pneus filer, puis rien, puis le froid. Un grand chien aboie, le quartier répond bas. Je parle peu, j'observe, j'garde le menton haut. Dans la zone, faut lire vite ou finir trop tôt. Zone rouge, zone rouge. On marche en mode rouge. Zone rouge, zone rouge. Dieu sur nous. Zone rouge, zone rouge. Faut jamais baisser la garde. Zone rouge, zone rouge. Ici tout peut partir. Quand la rue se referme, serre les dents. Pas d'héros ici, juste des survivants. Si je dis rien, c'est pas que j'ai plus de voix. C'est que le moindre mot peut coûter trop parfois. Sur nous, zone rouge, zone rouge. Faut jamais baisser la garde.